Actes chapitre 2. Et comme le jour de la Pentecôte était venu, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et il se fit tout à coup un son du ciel, comme est le son d'un vent qui souffle avec véhémence, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et il leur apparut des langues divisées, comme de feu, qui se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et commencèrent à parler des langues étrangères, selon que l'Esprit les faisait parler. Or il y avait à Jérusalem des Juifs qui séjournaient, hommes dévots, de toute nation qui est sous le ciel. Et ce bruit ayant été fait, une multitude vint ensemble, qui fut tout émue de ce que chacun les entendait parler en sa propre langue. Ils en étaient donc tout surpris, et s'en étonnaient, disant l'un à l'autre, « Voici, tous ceux-ci qui parlent, ne sont-ils pas galiléens ? Comment donc chacun de nous les entendons-nous parler la propre langue du pays où nous sommes nés ? Parthe, Mède, Élamite, et nous qui habitons, les uns dans la Mésopotamie, les autres en Judée et en Cappadoce, au pays du Pont, et en Asie, en Phrygie, en Pamphylie, en Égypte, et dans ces quartiers de la Libye qui est près de Cyrène, et nous qui demeurons à Rome. Tant juifs que prosélytes, crétois, et arabes, nous les entendons parler chacun en notre langue, des merveilles de Dieu. » Ils étaient donc tout étonnés, et ils ne savaient que penser, disant l'un à l'autre, « Que veut dire ceci ? » Mais les autres se moquant, disaient, « C'est qu'ils sont pleins de vin doux. » Mais Pierre se présentant avec les onze, éleva sa voix, et leur dit, « Hommes juifs, et vous tous qui habitez à Jérusalem, apprenez ceci, et faites attention à mes paroles. Car ceux-ci ne sont point ivres, comme vous pensez, vu que c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Et il arrivera au dernier jour, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes gens verront des visions, et vos anciens songeront des songes. Et même en ces jours-là je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes, et ils prophétiseront. Et je ferai des choses merveilleuses dans le ciel en haut, et des prodiges sur la terre en bas, du sang, et du feu, et une vapeur de fumée. Le soleil sera changé en ténèbres, et la lune en sang, avant que ce grand et notable jour du Seigneur vienne. Mais il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Homme israélite, écoutez ces paroles, Jésus le Nazaréen, personnage approuvé de Dieu entre vous par les miracles, les merveilles, et les prodiges que Dieu a fait par lui au milieu de vous, comme aussi vous le savez, ayant été livré par le conseil des finis, et par la providence de Dieu, vous l'avez pris, et mis en croix, et vous l'avez fait mourir par les mains des iniques. Mais Dieu l'a ressuscité, ayant brisé les liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, « Je contemplais toujours le Seigneur en ma présence, car il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. C'est pourquoi mon cœur s'est réjoui, et ma langue a tressailli de joie, et de plus, ma chair reposera en espérance. Car tu ne laisseras point mon âme au sépulcre, et tu ne permettras point que ton sang sente la corruption. Tu m'as fait connaître le chemin de la vie, tu me rempliras de joie en ta présence. Ô frère, je puis bien vous dire librement touchant le patriarche David, qu'il est mort et qu'il a été enseveli, et que son sépulcre est parmi nous jusqu'à ce jour. Mais comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis, avec serment, que du fruit de ses reins il ferait naître, selon la chair, le Christ, pour le faire asseoir sur son trône. Il a dit de la résurrection de Christ, en la prévoyant, que son âme n'a point été laissée au sépulcre, et que sa chair n'a point senti la corruption. Dieu a ressuscité ce Jésus, de quoi nous sommes tous témoins. Après donc qu'il a été élevé au ciel par la puissance de Dieu, et qu'il a reçu de son Père la promesse du Saint-Esprit, il a répandu ce que maintenant, vous voyez et ce que vous entendez. Car David n'est pas monté aux cieux, mais lui-même dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis pour le marchepied de tes pieds. » Que donc toute la maison d'Israël sache certainement, que Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus, dis-je, que vous avez crucifié. Ayant ouï ces choses, ils eurent le cœur touché de compunction, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Ô frères, que ferons-nous ? » Et Pierre leur dit, « Amendez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour obtenir le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. car avouez à vos enfants achète la promesse, et à tous ceux qui sont loin, autant que le Seigneur, notre Dieu, en appellera à soi. Et par plusieurs autres paroles il les conjurait, et les exhortait, en disant, séparez-vous de cette génération perverse. Ceux donc qui reçurent de bon cœur sa parole, furent baptisés, et en ce jour-là furent ajoutés à l'Église environ 3000 âmes. Et ils persévéraient tous en la doctrine des apôtres, et en la communion et la fraction du pain, et dans les prières. Or toute personne avait de la crainte, et beaucoup de miracles et de prodiges, se faisaient par les apôtres. Et tous ceux qui croyaient, étaient ensemble en un même lieu, et ils avaient toutes choses communes. Et ils vendaient leurs possessions et leurs biens, et les distribuaient à tous, selon que chacun en avait besoin. Et tous les jours ils persévéraient tous d'un accord dans le temple, et rompant le pain de maison en maison, ils prenaient leur repas avec joie et avec simplicité de cœur, louant Dieu, et se rendant agréable à tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'Église des gens pour être sauvés.